la perfection dans chaque détail. Dell vous présente le nouveau PC portable ultra fin XPS 13 avec Windows 10 Pro, un écran Infinity Edge et une finition parfaite. Découvrez le nouveau Dell XPS 13 par vous-même, à la Fnac et sur Dell.fr. Dell recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. France Culture La Nuit, un patrimoine radiophonique. S'il n'y a plus de murs, peut-il y avoir des paroles extra-muros ? Dans la banlieue est de Paris, une équipe de psychiatrie hors des murs d'un asile nous renseigne sur sa vie professionnelle. Des infirmiers, des psychologues, des médecins, mais aussi les patients, les familles, les amis, en dehors, en dedans, témoignent. Rediffusion d'un atelier de création radiophonique proposé pour la première fois sur France Culture le 12 mars 1995. ACR, Atelier de création radiophonique. Extramuros, Chronique de la folie à Bondy. Par Françoise Celleron. Équipe de réalisation, Yvette Tuchban, Philippe Bredin, Isabelle Limousin. Premier rendez-vous avec l'équipe psychiatrique du docteur Bayon à Bondy. C'était au printemps dernier. On a pris la porte de Bagnolet, autoroute A3, sortie Meaux. La Nationale 3 est bordée d'entrepôts, de grands magasins. Au tapis Saint-Maclou, après le toboggan, on tourne à droite. L'impression tout à coup d'avoir changé de décor. Rue calme, plantée d'arbres, pavillon. Prendre l'allée jusqu'à la barrière bleue. L'accueil, c'est là. L'un des lieux disséminés dans la ville où l'on reçoit les patients. Un bâtiment de briques au fond de la cour. Rien ne permet de deviner qu'il s'agit d'une unité de soins psychiatriques. Odeur de lilas par-dessus la grille. Dehors. Ça se passe dehors. La ville. À fond. On s'est retrouvés dehors. Dans les rues. Dans les voitures. Dans les cafés. Du jour au lendemain, après 200 ans d'asile, à découvert. Je te parle d'être tous les jours tombé d'un dedans qui n'était pas un dedans, puisque c'était un nulle part qui survivait à l'obstruction du dehors. Écrire sur la banlieue. Quelle banlieue ? La banlieue dedans, en moi, dit Annie, l'une des psys de l'équipe. Prendre le risque de la déchirure. Bondy est coupé en deux par la Nationale 3. Autre blessure. Bondy est traversé par le canal de l'Ourcq et la voie ferrée. Le Trans-Europe Express ne s'arrête pas à Bondy, mais il y passe. Extramuros. La folie hors les murs. Les mots comme une foule. Au bout de chaque nuit. Écrire les mots des gens, des malades. Faire le dépôt des mots pour que tout ne soit pas jeté. Parole à vif. Ne pas perdre la distance et en même temps aller au plus près, dans le vif, le désordre, l'intime. Parole de soigné, parole de soignant, parole d'habitant de la ville. Va et vient, entre l'écriture et les paroles. Texte d'Annie Vasselet, Le sentiment de la psychogéographe. Ce paysage n'est pas une absence de paysage. C'est moi qui suis aveugle. Pourquoi suis-je aveugle? Hypothèse Bondy. Environ 60 000 habitants. Quelques entreprises tiennent le coup, coupe-fil, la BBL, la Bondinoise, pain, gâteau en gros, une fabrique de béton sur le canal, les grandes surfaces, Monoprix, Félix Potin, Conforama, B3, Darty, La Recherche, Lorstom. Ici, de ce côté-là de la frontière. Alors ici, c'est ici on est la Bondy Sud, là. Sud, oui. Ah oui. Alors le long du canal, c'est assez marrant la promenade à faire. Par exemple, moi, un dimanche, je me promenais. Alors c'est, il y avait l'usine de verre d'un côté, de l'autre côté les entrepôts des magasins qu'on voit sur la nationale 3, et puis des tas de gamins qui étaient sur les toits. Moi, dans ma tête, ils jouaient et en fait, ils venaient de piquer des tas de trucs. C'était un dimanche après-midi. Un peu plus loin, c'était, ça commençait à faire un peu campagne, 1950, avec des pêcheurs, des gens installés. Il y a même un mec qui vit là, qui dort sur son petit bateau. Il a sa petite cabine et il passe des jours et des jours là. Et puis après, on arrive sur une espèce de promenade. C'est la campagne. Ah, c'est drôle, c'est coupé comme ça. Et si je pouvais aller vers plus de douceur? Et alors, en remontant sur Paris, c'est encore différent. C'est drôle. À partir d'une touffe d'herbe, je reconstitue la région de l'Aulnoy. Avant, après. Le vieux, le nouveau s'est déplacé. Ça existe dans la mémoire. L'histoire, c'est des mots inconnus. La noue caillet, la mare à la veuve, la mare rossignol, la mare aux oiseaux, le grand étang. Alors, il y a le canal qui est juste à côté de Jean Verdier. Il y a monsieur de la maison de retraite qui s'est jeté dans le canal, qui est mort, il y a 2 mois. Et un autre, qui était un peu délirant, qui était venu là le dimanche. On avait commencé à s'occuper, on était en train de téléphoner, il est parti. Et en fait, 2 jours après, il était dans le canal. Qu'est-ce que c'est la folie, Joël? Qu'est-ce que c'est la folie? Oui, c'est dirigé partout quand on ne veut pas. C'est dirigé partout quand on ne veut pas. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on veut aller? Si on sait bien, mais on se dirige sans le vouloir. C'est un voir, une idée sans en avoir. Ce sont des forces qu'on n'arrive pas à contrôler. On réagit par instinct. Mais non, il est vrai, puis... C'est mettre quelqu'un à la folie. La folie n'existe pas. Les fous, ça n'existe pas. On a tous une case de vide. Vous savez, il y a un jeu qui est marrant. C'est un jeu avec des lettres et des chiffres. Il y a un petit trou. Et à chaque coup, vous bougez le petit trou, vous bougez les lettres, vous faites des mots, des chiffres et tout ça. Et il y a une case de vide pour que ça bouge, pour faire des mots et des lettres. Et ben, c'est pareil, un être humain, s'il est trop plein, il éclate. Non, on n'est pas faux. Les fous, c'est pas pareil, ils sont dans l'asile. La folie est dans la ville, partout présente et invisible. Lieu de soins non identifié, patients fondus dans la population. On ne travaille plus avec les murs, dit-elle. Vous savez, les vieux murs, mais avec des repères qui existent et aussi des repères qu'on trouve en nous. Être au plus près de l'espace du patient, sa vie, son histoire, là où ça circule, dans la rue, sur les quais, au bistrot du coin. Non, ils sont pas si fous que ça, hein, non, non. Et le temps, ça y fait. On les connaît tous, hein, de toute façon. Ouais. Hein. Si, il y en a des quelques-uns qui disparaissent, qui reviennent, mais des fois, il y en a qui arrivent à se réinsérer. La santé, être sain, qu'est-ce que c'est? Être sain, c'est très très difficile. Très très difficile, parce que les choses vont mal. Au fond, la folie, c'est vraiment toujours l'affaire d'un groupe. Chacun a sa définition, sa vision de la folie. Les patients, les habitants et les soignants. La folie est dedans, dehors, collective et au plus intime de l'homme. Guy Bayon, psychiatre, médecin-chef du secteur 14. Au lieu de dire que la folie, c'est l'affaire d'un sujet qui est en rupture avec son environnement, on pourrait plutôt dire aujourd'hui qu'on comprend que la folie, elle touche toujours un sujet et un groupe. Et qu'il n'est pas question de dire que la folie, c'est l'affaire de la société, ni que la folie, c'est l'affaire d'une seule personne. Si on privilégie ou si on ne s'occupe que du sujet, ce que la psychiatrie a toujours fait jusqu'à maintenant, que de l'environnement, ce que l'antipsychiatrie a essayé de faire, eh bien, nous sommes dans des impasses. Annie Vasselet. À force de ne pas s'attacher à l'image des gens, mais plutôt à tenir compte de leurs paroles, de leur histoire, de leurs fantaisies, etc., on s'aperçoit que l'image compte très très peu. Au début de notre arrivée en ville, tout le monde avait un peu peur, les patients et nous. Et puis on s'est très vite rendu compte qu'au café d'à côté, si une personne hospitalisée avait 5 francs en poche, eh ben il devenait tout simplement un consommateur comme les autres. Ah oui, ça doit être dur. Madame Marivonne, vous n'êtes pas dingue, non? Allez savoir. Vous n'avez pas un petit côté de... Oh si, si, si. Ah, c'est pas anormal. Non mais votre... Oui, je crois qu'ils se créent des habitudes. À certains moments, ils font telle chose, ils viennent nous voir à tel moment, plutôt qu'à tel autre, j'ai l'impression. Et c'est plutôt comment, c'est quand? Ouais, dans la matinée, on les voit plutôt la matinée, enfin, jusqu'à l'heure du déjeuner, l'après-midi moins. Mais ils pas très tôt, ça, ouais. Ils attaquent très tôt. Oui, je sais pas, Gina, oui, elle vient de bonne heure. Bondy, c'est le secteur 14, un mot inventé il y a plus de 20 ans pour dire qu'on travaille hors des murs de l'asile, près des gens, avec les gens. Le centre d'accueil et de crise, derrière les grilles bleues, c'est le lieu de la première rencontre avec le patient. La salle d'attente, quelques personnes sont assises là, dans le silence. Plus loin, une grande pièce un peu vide, une table, des chaises, et le café toujours prêt. Avec Laurence et Chantal, deux infirmières du service. 3 mois, on travaille 2 jours. Le 4e mois, on est de nuit. 3 mois, on est de jour. 1 mois, on est de nuit. 3 mois, on est de crise. C'est-à-dire qu'on travaille la semaine et pas le week-end, avec des horaires de bureau, etc., sans les urgences. Et on reprend 1 mois de nuit et 3 mois d'accueil, et 1 mois de nuit et 3 mois d'accueil, et 1 mois de nuit et 3 mois de crise, et 1 mois de nuit. Donc ça berce. Non, mais c'est comme ça. Les 12 infirmiers doivent passer une fois par an 3 mois de crise. En fait, c'est ça. Alors, 3 mois de crise. La crise, c'est quoi? Un lieu? C'est une période dure? C'est quoi? La crise. Tu peux expliquer toi, moi j'ai peut-être mon avis. Donc, quand on dit la crise, les gens imaginent des gens agités, qui crient, qu'on est en train de retenir, etc. Qui se tapent la tête contre les murs, qui nous tapent dessus. Enfin, en fait, la crise, c'est un lieu effectivement qui n'est plus à l'accueil maintenant depuis 6 mois, mais c'est aussi un soin spécifique, c'est-à-dire les gens qui passent en crise, les gens qui ont été vus soit à l'accueil en urgence, une fois, deux fois, voire 3 fois maximum, et qu'on oriente sur la crise parce qu'on pense que dans leur vie, à ce moment-là, ça ne va pas du tout, et c'est le moment d'ouvrir cette brèche, justement. Plutôt que de la refermer, c'est justement l'ouvrir et travailler sur ce qui se passe à ce moment-là. Voilà. Et donc, ça nous permet de faire des propositions aux gens. On peut foncer, ça arrive, on fonce, aller au domicile... voir la personne le matin et le soir si c'est vraiment aigu, pour rassurer la famille, pour être là, pour donner un traitement 2 fois par jour au moins. Tenir ça 3 jours, par exemple, voir si ça calme le jeu. Et on prend notre temps. Ça veut dire on a du temps, on peut prendre 1 heure s'il faut, 2 heures même, si la personne se repose après un soin, une injection. Enfin, bon, On n'a rien de Zorro, hein. On arrive et parfois on met une heure avant que la personne arrive à commencer à, bon, à accepter la présence de psychiatre. Elle ouvre sa porte. Elle a un rasoir à la main. Elle va commencer le charcutage. Elle me regarde. Elle me regarde la regarder. Je ne peux pas. Elle me vole mon regard. Elle croit que c'est beau, ses regards. Je ne supporte plus. Je lui dis en lui tournant le dos, « Si tu veux te couper, je ne peux pas t'en empêcher, mais je ne veux pas voir ça. Je vais rester derrière la porte. Quand tu pourras parler, tu m'ouvriras. » Je ne sais pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait derrière cette porte? L'interne flippe. Mais qu'est-ce qu'on fait là, avec cette fille qui se coupe tranquillement pendant que j'attends? Je rêve. Voilà, c'est fini. On peut parler. La coupure n'est pas profonde. Pas nécessaire d'aller aux urgences. Je lui mets un pansement compressif. Je lui donne un tranquillisant. J'en prendrai bien un aussi. Elle sourit. Ça arrête instantanément les angoisses de faire ça. Vous voulez du café? Oh oui, très fort. Pas croyable. Elle sort un paquet de gâteaux. On grignote. C'est authentique. Je surveille la blessure. On parle de la vie. Solitude, grisaille, vêtements. Pourquoi s'habille-t-elle comme un garçon? C'est dur, hein, de parler du soin. C'est une rencontre. Et la rencontre, elle... A priori, quoi, elle se fait, mais elle peut ne pas se faire. Donc c'est... Je sais pas ce que tu dirais, Chantal, mais je trouve qu'à la fois on fait avec un cadre, et en même temps, on est sans arrêt, presque sans arrêt, dans l'improvisation. Il faut aussi surmonter, peut-être des fois, la peur de ce qui va être dit. Ça, c'est difficile. Et... Alors, supporter les silences. Alors, en même temps, on s'imagine des choses. Ces pensées, encore, de déperdition, de mise à l'écart. Quand ça vient, marcher vers le canal jusqu'au milieu du pont, appuyer les coudes sur la rambarde, le visage dans les paumes. Quoi faire ? Cette nuit, le jeune Cambodgien lui a raconté son histoire dans des mots inconnus. Inconnus pour tous. Elle a cru que c'était du Cambodgien, mais les parents lui ont dit qu'eux non plus ne comprenaient pas, qu'il inventait. Ils avaient passé la nuit ensemble, dans une bouillie de langage, des ébauches de gestes. Les cris retenus de présence basculée. Elle avait fait son métier, d'être là, auprès de quelqu'un, sans même le secours de la langue, sans secours du tout. Rien que le savoir profond en elle d'une fragilité. Toute la nuit. Est-ce un métier, ça? D'être là, à garder les portes entrouvertes pour quelqu'un qui va revenir, les mots qui se défont, le corps part avec. La façon dont on est face à quelqu'un qui est mal, c'est quelque chose avec lequel on est en prise directe et en même temps il faut donc tout le temps se dégager et inventer beaucoup de choses. Et ça me fait penser à un certain nombre de soirées justement. On est tout seul, on attend le médecin de garde. À ce moment-là, arrivent des gens qui ont rendez-vous au dispensaire, qui ne supportent pas l'attente avec leur médecin thérapeute, qui viennent s'installer ici. Arrive une dame sans rendez-vous avec des paquets, l'hospitalisation immédiate. Arrive un monsieur dans le coltard qui se dit on ne comprend pas très bien ce qu'il veut. On lui dit c'est lui qui paraît le plus calme. On lui dit écoutez, monsieur, attendez, vous vous asseyez sur le divan, comme ça, tranquillement. Arrive un autre qu'on connaît très très bien, qui était là il n'y a pas longtemps, et qui dit je veux pas bien. Enfin, qui commence à regarder la situation, a l'air de dire ils vont pas me prendre au sérieux par rapport à ce qu'il y a. Oui. Arrive des coups de téléphone de Jean Verdier, vous avez deux personnes qui vous attendent. Attendez, le médecin n'est pas encore arrivé. Enfin, tout à la fois comme ça. Et on fait tant bien que mal. Alors, un petit entretien à droite, de calmer les gens de l'autre côté. Enfin, simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'à la fin, il a failli nous arriver un truc un peu... C'était comique, mais tragicomique. C'est-à-dire que le monsieur qui était le plus calme et qu'on avait assis dans un coin, en fait, il était en train de s'enfoncer dans un coma. C'est-à-dire qu'il avait bouffé plein de médicaments. Et que comme il se tenait bien tranquille, peinard, là, sur une banquette, alors à un moment donné, on est allé vers lui, en dernier lieu, en disant « Bonjour monsieur, quel est votre nom ?»« Alors bon, ça y est, on a un petit peu de temps pour vous, qu'est-ce qui se passe ?» et tout. Il était là à dormir. On l'a secoué comme un poignet et bon, on a dû appeler les ambulances et l'emmener à Jean Verdier. Voilà. Chantal et Laurence, fragiles et fortes, fumant cigarette sur cigarette. Comment arrive-t-elle à tenir? L'accueil est ouvert 24 heures sur 24. Chaque soir, entre 18 et 21 heures, entre chien et loup, entre l'équipe du jour et celle de la nuit, il y a un temps de pause, de latence, une attente inquiète. Quelquefois, c'est angoissant, c'est surtout à cette heure-là. Maintenant, ça me le fait beaucoup moins. Moi, en tout cas, c'est un moment où je décompresse. Vraiment, je souffle. Donc, effectivement, qu'est-ce que je fais? Souvent, je range. Je me mets à faire du rangement, je range le bureau, je lave des trucs, je prépare. Tout pour que, pour que la soirée soit tranquille. Ou... Par exemple, le soir, comme ça, t'es toute seule, t'attends. Est-ce que t'arrives, toi, à t'installer à lire ou quelque chose? Moi, j'y arrive pas. Moi, souvent, j'ai remarqué que j'ai le réflexe de téléphoner à une copine. Téléphoner. Mais lire, je peux pas. Alors, t'as les médecins de garde, alors eux, leur truc, c'est ils allument la télévision. T'as pas remarqué? Certains préparent leurs pantoufles. Mais en fait, moi, j'en vois très peu qui arrivent, coulent et qui prennent un livre, qui lisent, qui se détendent. Non, ça, je les vois pas. T'as celle qui met ses petits chaussons et qui va au frigidaire aussi. Ah oui, il y a le téléphone, le frigidaire, la télévision. Faire une promenade en banlieue, qui fait ça? Orme et sa thérapeute, par exemple. Orme est d'ici depuis ses parents. Il trace son chemin en équation inconnue. Du haut de l'embranchement de l'autoroute, rien n'indique à la thérapeute l'existence d'un canal, ni les grues appellent, ni, plus en contrebas, ce hangar qui est une bétonnière. Elle s'étonne. De l'eau? Ce n'est pas de l'eau, c'est le canal. Orme, ça lui donne juste envie de s'y balancer. Elle l'en empêche. C'est joli. Vous êtes sûre? Je croyais que c'était rien. Des choses auxquelles vous rêvez? Les voitures de sport. Voiture de sport. J'étais conduit, mais j'ai pas de voiture. J'ai pris une leçon, puis j'ai été tombé. Là, on est au bord de l'Ourcq, du canal de l'Ourcq. Ouais. C'est un endroit que vous aimez bien. L'autre fois, on a vu un bateau mouche quand même. C'est vrai? Ouais. Il est en train de dîner dedans. On a vu du vélo. Vous faites du vélo, Yves? Du vélo, le canal, jusqu'à Sevran. C'est à combien de kilomètres d'ici? 10. C'est loin là-bas? Oui, une dizaine de kilomètres. C'est vrai qu'on était adolescents. Ils sont au bord. Leurs ombres bougent dans le courant. Elle pense que son attention, à elle, s'est exercée autrement. L'eau n'était pas loin si tels arbres étaient alignés de telle façon. si une courbe du sol se voyait dans certaines herbes. Dans des histoires racontées, les étoiles tombaient dans les lacs, attirées. J'ai l'impression de voyager dans des pays lointains. Très loin entre l'eau et la lumière. Ce n'est plus la peine de se jeter. On est jeté depuis longtemps. On est jeté depuis longtemps. C'est comme ça que je définis l'outil symbolique. On est jeté depuis longtemps dans le langage. La question pourrait être, est-ce que certaines personnes ne sont jamais entrées dans le langage ? Quand j'ai commencé à travailler, j'ai décidé que tous les humains étaient dans le langage. Et Lacan a quand même bien poussé dans ce sens-là. Chaque personne avec qui je travaille, là je pense aux personnes qui sont hospitalisées et puis aux gens qui les entourent, appartiennent à un monde de langage. Et si on les écoute, la parole vient. Et puis la parole, c'est le mouvement, tout autant que la pulsion. Alors se balader au bord du canal, en parlant, c'est ça le soin ? C'est une grande partie du soin. Le mouvement soigne, le mouvement du corps soigne. J'ai vu à la télé hier encore des images de patients enchaînés en Afghanistan. C'est insupportable parce que le corps enchaîné, c'est de la suraliénation. C'est le moment où on fait justement plus confiance à la parole et au fait que chaque humain est dans le langage. Si on s'en tient à l'image, ce qu'on a vu hier à la télévision en Afghanistan, ce ne sont pas des humains, ce sont des monstres. Bon, l'image dit ça, ces malades sont des monstres. Si je prends la résolution éthique au départ de dire, l'image, je m'en fous. Ce que je veux, c'est entendre ce que ces personnes ont à dire. Mais d'abord, pour entendre ce qu'elles ont à dire, il faut que moi-même, je les engage à penser que ce qu'elles ont à dire est important. Donc le travail commence là. De montrer à quelqu'un, même s'il est malade, que sa parole peut compter pour d'autres. C'est le premier temps. Et à partir de là, oui, on entre, ça y est, on est entré dans la relation thérapeutique. Vous avez des bouquins ou vous avez des bouquins ? Jean, pourquoi on essaye de se parler ? Jean, pourquoi on essaye de se parler ? C'est pour informer les gens de ce qui se passe dans le monde. Informer les gens de ce qui se passe dans le monde et puis quoi ? Grands événements et grands prix qu'il y a sur la Terre. Ouais. Mais ça sert à quoi la communication depuis qu'on est tout petit ? Ça sert à quoi ? À parler, à s'exprimer. Pourquoi on parle ? Les animaux ne parlent pas, eux. Ils s'expriment avec des gestes, avec un instinct. Oui. Pourquoi nous, on parle ? D'une part, c'est pas ça. C'est que bien avant, le langage, c'est les dessins. Bien avant le langage ? Des dessins, par exemple. Des dessins, oui, c'est un langage. Les Égyptiens, comment dirais-je aussi, les Incas, tous ces gens-là, ils avaient un langage, mais en forme de dessin. D'accord. Mercredi après-midi, groupe parole à la Colombière. Après le déjeuner, les patients se disposent en cercle autour de Chantal Balif, la psychologue, et ils parlent de tout, du monde et de l'intime. Une petite révolution au sein de l'institution psychiatrique. Jean, dit Jojo, participe à sa manière, bougonne, marmonne, commente, rit. Qu'est-ce qu'il y a, Jean ? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine ? Oui. Il y a eu le Sarajevo. Oui. Il y a toujours le problème en Bosnie, de guerre. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, Marie-France ? Je me souviens plus. C'est dur d'en parler. Je trouve ça normal, alors qu'on est bientôt en l'an 2000. Oui. Que... il y a encore des guerres civiles. Des guerres civiles ? Oui. Les enfants, sont les victimes. Il y a des bébés qui meurent, il y a des gens qui sont blessés. Il y a des gens qui souffrent de faim et de soif. Que bon, dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui sont malheureusement, que j'ai vu une fois dans le métro, il y a des personnes, des jeunes, qui sont dans la rue, complètement dehors. Qui sont perdus, qui deviennent marginaux parce qu'ils n'ont plus confiance en eux-mêmes, parce qu'ils ne trouvent plus de travail. Moi, j'ai appris une chose, c'est que dans la vie de tous les jours, il faut savoir se respecter les uns et les autres. Est-ce que vous pensez, Joël, que c'est important de parler aux autres? Des fois, c'est important, des fois, ça plaît, des fois, ça plaît pas. Des fois, ça plaît, des fois, ça plaît. Des fois, ça plaît, quand ça plaît pas. Quand ça plaît, on parle. Mm-hmm. Quand ça fait pas, on se tait. Oui. Et quand est-ce que ça vous plaît de parler, vous, de dire des choses aux autres? Quand ça vient. Quand ça vient. Et là, aujourd'hui, ça vient pas? Si je regarde, j'en écoute. Alors, qu'est-ce que vous regardez ici aujourd'hui? Je vous écoute. Je vous écoute parler, j'essaye de vous comprendre. Oui. Qu'est-ce que vous auriez vous dire à Joël aux autres personnes de votre vie? Qu'est-ce que c'est la richesse de votre vie à vous? Le français, c'est beau, le français. Oui. C'est beau, c'est beau. Le français, pas français seulement, le français, c'est beau, le français. On arrive à se comprendre en français. On arrive. Oui. Et vous, Jean-Claude, qui êtes là depuis 6 ans à la Colombière, quelle est votre richesse de vie à vous, Jean-Claude? La richesse de vie? Oui. Pas grand-chose, je travaille avec mes valises partout. Pas grand-chose, vous travaillez avec vos valises partout. Non, je travaille avec mes valises partout. Est-ce que vous avez l'impression tous ici que les gens qui sont en dehors de la Colombière vous reconnaissent comme faisant partie du monde? Est-ce que vous avez cette impression-là? Oui. Oui, oui. Mais ils nous prêtent pour des infériorités. Des infériorités? Et des infériorités de notre handicap. Parce que par exemple, moi, souvent, quand je vais au café, à la librairie chercher mes cigarettes, ben, la dame, elle me prend pour un bébé, quoi. Elle vous en prend pour un bébé? Ou un enfant qui fume la cigarette, qui ne sait pas bien. Ou quelqu'un qui n'est pas devenu adulte. Voilà. Et vous, Joël, qu'est-ce que vous sentez quand vous allez dehors, que vous allez dans les boutiques, dans les magasins? Est-ce que vous avez l'impression que les gens pensent que vous êtes comme tout le monde ou pas? Non, il y en a qui le croient pas partout, mais il y en a qui le croient. Il y en a qui le croient dans le Saint-Esprit, d'autres dans l'Esprit. Il y en a qui y croient, d'autres qui ne croient pas. D'autres qui ne l'ont pas dans le Saint-Esprit, d'autres qui ne l'ont pas. Il y en a qui n'ont pas dans leur tête qu'on peut être différent, ouais, en étant... Qu'on est normal. Voilà, on peut être différent et être normal. Quand on est normal, ils n'y croient pas, il y en a. On est normaux là-dedans. On mange, on boit, on dort, on est normaux. Mm-hmm. On n'est pas normaux. Qu'est-ce que ça veut dire, Geneviève, être normal? Faire comme tout le monde. Faire comme tout le monde. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes compris comme quelqu'un de normal dans votre famille? Bah, moi, je suis quelqu'un de normal dans ma famille, mais c'est mes parents qui ne sont pas normaux. Mon père, il n'est pas normal. Ah bon? Et votre mère est normale. Ma mère, elle est normale, mais pas mon père. Et pourquoi est-ce que vous dites souvent que votre mère, quand vous étiez petite, elle n'était pas très normale, puisqu'elle faisait pleurer votre père? Moi, je sais, oui, elle faisait pleurer mon père. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous fait dire que votre père n'est pas normal? Parce que moi, je vais vous dire la vérité, mon père, il m'aime pas. Il n'est pas normal parce qu'il ne vous aime pas? Voilà, il ne veut pas de moi à la maison, quoi. Vous avez dit une fois que votre mère voulait que vous veniez à la maison pour votre pension. Bah oui. Est-ce que c'est de l'amour, ça aussi? Bah ça, je sais pas. Peut-être qu'il profite de l'argent et que... Je peux pas vous dire. Hein, Est-ce que c'est simple de savoir qui vous aime, qui vous aime pas? Bah je sais pas. Moi, je sais que mon père, il m'aime pas tellement. Ma mère, elle m'aime bien, mais mon père, non. S'ils sont élevés. Ah, Jean-Claude pose une question très intéressante. Ben, c'est-à-dire... Est-ce qu'ils se sont aimés, vos parents? Oui, ils se sont aimés, bien sûr. Mais comment raconter un petit peu comment ils se sont aimés? Quand ils étaient jeunes, ils se sont bien aimés, oui. Et puis maintenant, ils se disputent. Mais vous disiez, quand vous étiez petite, justement, ils ne s'aimaient pas beaucoup. Votre mère sortait de la maison. Et puis elle me laissait le petit, je lui donnais le biberon, puis elle avec elle. Elle faisait toutes les 15 pas de la rue Édouard-Vaillant. Et puis, à la maison, elle montait des tonnes de manger. C'était l'Algérien qui lui donnait. Alors, c'est très compliqué, Marie-France, puisque vous dites que votre père ne vous aime pas. Bah, c'est-à-dire, mon père, il ne m'aime pas, parce qu'il m'aimerait, il me reprendrait. Moi, ma mère a dit, c'est pas moi, je voudrais bien te reprendre. Mais elle dit, les autres, ils ne veulent pas. Je croyais que votre papa avait dit aussi que si vous étiez à la maison, ça serait très dur pour vous à cause de votre frère, à cause de votre Oui, parce que je vais vous expliquer, mon frère, il nous tape dessus, sur moi et sur ma mère, il nous tape. Pourquoi ? Bah parce qu'il n'est pas normal, c'est pour ça. Il n'est pas normal ou il n'est pas heureux ? Non, il n'est pas normal, parce qu'il tape ma mère et puis il vole son argent. Et moi aussi, il me tape. Est-ce qu'il a vécu des choses normales, comme vous dites, quand il était petit ? Peut-être que pour un petit garçon, voir son père pleurer parce que sa mère va dehors, bah oui, ce n'est pas très facile à vivre. Hein ? Bah non, c'est pas facile à vivre. L'amour est quelque chose de difficile. Aimer, c'est aimer quelqu'un à la folie. La folie, c'est aimer quelqu'un à la folie. Oui, mais en quoi c'est une folie d'aimer ? Lui, il m'a protégée. Bon, c'est vrai, j'ai eu des enfants, mais avec un préservatif contre le sida. C'est bien, c'est pas de la folie, c'est au contraire. Non, c'est une protection. C'est une protection. Marie-France pourrait peut-être aussi nous dire ça. De quoi ? Si ce dont on a parlé l'autre jour, vous savez que faire l'amour, c'est agréable. Mais il faut faire attention. Oui. Mais que la folie, c'est faire l'amour sans penser qu'il y a aussi un danger. Non. Oui, je comprends. Oui, mais vous y avez pensé quand vous avez revu votre ami ? Moi, je peux pas avoir d'enfant. Non. Marie-France, 50 fois, on vous a dit. Il ne s'agit pas de ne pas avoir d'enfant, de ne pas attraper de maladie, c'est pas pareil. Non, il n'a pas de maladie, celui-là que je connais. Non, je pense pas qu'il a des maladies. Je peux dire quelque chose. Ce que Catherine dit, il faut quand même se méfier. C'est que la folie, c'est oublier justement, se dire je ne pense pas qu'il ait une maladie, puisque c'est une maladie, on ne le sait pas si on l'a cette maladie. Ah bah oui, vous comprenez ? Oui, je comprends. Mais qu'est-ce que vous avez après moi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Ah, voilà. Qu'est-ce que vous voulez exactement ? On a envie que vous soyez vivante. Ben, je suis vivante, mais seulement il y a quelque chose qui me gêne, c'est tout. D'accord, mais on voudrait que vous ne soyez pas en danger. Ah bah ben oui, en danger. Voilà, avec votre ami. Mmh. Quand la mort vient, on a la foi. Parce que moi, c'est toute une Bible dans notre tête, dans notre âme. Alors bien entendu, quand la mort vient, ben la mort vient, et puis c'est tout, on s'en va tranquillement. Mmh. L'amour s'en va avec la foi. Et... faut pas avoir de la haine sur l'amour, parce que sinon c'est mauvais. Ça engendre toute une méchanceté. Est-ce que vous pensez que... Par exemple, si je vais à un match de football, il faut que je sois confiant en moi pour gagner le match ou marquer des buts. Il faut que j'ai confiance en Dieu. Et Dieu, des fois, il me punit ou il me laisse tomber. Alors, on y revient toujours. Est-ce qu'il y a un Dieu ? Est-ce qu'il y a une magie dont Nadia parle souvent aussi ? Pourquoi est-ce qu'on imagine toujours quelque chose qui est plus fort que nous ? Est-ce que c'est parce qu'on est fragile et faible ? Pourquoi on imagine toujours quelque chose ? C'est mystérieux, Chantal. Oui. C'est mystique, en fin de compte. Mm-hmm. C'est mystérieux, puisque on dit Dieu. Dieu, on ne le voit pas, c'est par apparence. Mais... Dieu, il vit dans la nature, Chantal. Dans la foi, sur la nature. Si on n'a pas l'amour des animaux et des arbres et de la nature, rien ne pousserait sur terre. C'est une certaine foi, ça fait l'amour. Oui, mais c'est le Dieu auquel vous croyez, Agnès. Oui. Il laisse une grande liberté à l'homme de choisir. Ah oui, il laisse une grande liberté à l'homme de choisir son moyen d'expression, son moyen de vivre, son moyen de savoir et de voir et d'entendre, de toucher. C'est quoi ton Dieu ? Ah, moi, c'est le Dieu créateur tout-puissant. Oui. Et Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu dis ici. Ah, et Bouddha. Oh, c'est pas pareil. Bouddha, il est gros. Bouddha, il vient manger. Comme elle est assez forte, ça la rassure. Hein. Ouais, ça me rassure. Mais moi, ce que je veux dire à toi, Marie-France, c'est le sida, lui, il est en train de tuer des gens. Mais oui, je comprends. Non, tu comprends pas. Et si, quand on parle, je comprends. Non. Parce que moi, j'ai pas de chance, en plus. Non, j'ai pas de chance. Pourquoi ? Ma mère, elle me dit, fais attention au tuba, parce que toi, t'as pas de chance. Mais votre mère, c'est parole d'évangile. Ouais, elle me dit, fais attention avec qui tu vas parce que t'as pas de chance. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, de la chance, j'en ai jamais eu. C'est ce que vous pensez ou votre mère pense ça? Ma mère, elle pense ça. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je le pense aussi. Tout ce que pense votre mère, vous le pensez aussi? Ben oui, elle me dit, t'as pas de chance. C'est pas... Faut faire attention parce que toi, t'as pas de chance. Mais moi, j'aimerais bien que vous disiez la même phrase en disant pas ma mère pense, mais dire je pense que je n'ai pas de chance. Voilà, je pense que j'ai pas de chance. D'accord. C'est ça que vous avez envie de dire de vous? Oui. La même chose que votre maman? Voilà, la même chose. Alors, est-ce que la folie, c'est pas aussi un peu ça? De ne pas pouvoir s'autoriser à avoir sa propre pensée? Non, c'est-à-dire, c'est pas que je suis folle, mais j'ai quelque chose qui me gêne. Mm-hmm. C'est ça. Mais vous savez que la folie, c'est un nom comme ça que donnent les gens. Bah oui, bien mais on se sent tous un peu fous par moments. Il y a des moments où on ne sait plus très bien ce qu'on pense. Non, moi, vous comprenez? Je suis normale, mais... Je sais pas ce que je pense à ça. Aujourd'hui, nous aurions presque pu parler. Nous avons parlé des animaux qui ne peuvent presque pas parler aux eaux. On se regardait, on entendait les mouches voler, des voix par la fenêtre. Tout le monde s'est tu. Nous n'avons pas les mots. Chacun a l'air de suivre une pensée, d'inventer une langue et de ne pas nous ouvrir son dictionnaire. Ça fait tout un souk. Le corps brisé, jamais réalisé, impossible, le corps branché, fumeux, musiqueux, péteux, bouffeur, chieur, roteur, tout dedans, tout dehors, tout bien, tout mal, bétonné, précipité, aspiré, jeté dans le plein, prisonnier du vide, résonnant comme un tambour. C'est un autre qui parle? Quel autre? Annie, qu'est-ce que c'est la folie? Il y a certainement une folie qui se voit et une autre folie qui ne se voit pas. Il y a certainement des fonctionnements collectifs qui sont fous et des fonctionnements individuels qui sont fous. Quelqu'un disait la folie, c'est de la coexistence perturbée pour permettre aux personnes de percevoir que s'ils se sentent fous, c'est aussi peut-être parce que ils occupent une place particulière dans une histoire qui s'est figée autour d'un symptôme ou d'un symptôme qui ne leur appartient pas forcément, qui est peut-être le symptôme d'une famille ou d'une histoire ou d'une institution, etc. Oui, où ça commence, la folie? Voilà. Alors, quand on écoute quelqu'un qui s'exprime sur le mode de la folie, il faut essayer d'écouter le plus de choses possibles. Il faut remonter dans les générations. Il faut traverser le plan du corps, du politique, de l'intersubjectif, de l'économique, etc. Donc, voilà, être fou... Il arrive qu'on se pose ces questions-là avec les malades et qu'on en rit. Hein. Il arrive qu'avec un malade, j'éclate de rire en me disant mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que c'est que la psychiatrie? Mais pourquoi revenez-vous nous voir depuis 15 ans? Et le patient me répond mais vous êtes toujours en psychiatrie, vous y êtes encore pour longtemps. Bon, des choses comme ça drôles, mais qui posent la question de façon plus vaste. Mais si on veut se rapprocher du corps même du patient, une des définitions actuelles de la folie pourrait être « je me laisse déborder par mes pulsions. Je ne peux plus lier ce qu'il en est de mes pulsions, qui sont le danger qui vient de l'intérieur de moi, au langage. Je n'y arrive plus. » Je crie. J'appelle. Je ne parle pas, je crie, j'appelle. Ou bien je n'appelle même pas. Je suis tournée dans mon monde intérieur. Quelle est la valeur d'un son ? Quelqu'un est dans un coin, le corps dans la solitude. Le musicien l'accompagne. Les sons entendent le corps. Instant, ce sont les pieds. Un danseur se relève. Arrivé là, on voit le corps entre les sons, les lumières, les couleurs, les sons et tout le reste. Les nuits. Soigner les gens avec ça. Je crois que pour bien parler de ce que nous faisons, il faut être poète. Il faut avoir l'agilité, la magie des mots, la capacité de transposer, d'écouter, de retranscrire. Je devrais savoir à chaque fois, je devrais avoir la capacité de dire mot à mot les paroles qu'on dit tel patient. Parce que vous savez, si on prenait le mot à mot des paroles des patients, mais quelle merveille! Quel livre au pluriel on pourrait réellement constamment écrire, avec une richesse de spontanéité, de mots justes, de phrases bien placées, de perspicacité à notre égard, de causticité à des tas de moments, de lucidité dans nos propres inconscients. Et ce qui est difficile dans notre travail, c'est qu'on a un peu cette exigence de se dire « Zut, si on n'est pas poète, on ne sera pas bon thérapeute ». Parce qu'on ne va pas avoir cette capacité de jouer comme ça, d'être quelque chose qui une sorte de tissu qui frissonne devant tel rayon de la lumière et qui renvoie des tas de choses. On ne pourra pas faire ça. Et c'est pourtant ça dont il s'agit. Sur le fil du rasoir avec les malades, avancer, inventer, recoller les morceaux. Pour bien parler de la folie, il faut être poète peut-être, ou tout simplement à l'écoute, dans ce rapport de respect et d'attention affectueuse, celui d'Hélène qui travaille à la Colombière et que tout le monde appelle ici la fée du logis. C'est calme ici, Hélène. Ça y est, c'est calme pour le moment. Je fais mon travail, tout simplement. Hein. Oui, mais quand même. Bah oui, non, mais c'est tout à fait normal ce que je fais. Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos tâches? Le ménage. Ouais. Le ménage, et puis bah, quand la cuisinière n'est pas là, bon, bah, j'aide à la cuisine. Mais tout le monde met la main à la pâte, hein, quand même. Hein. Bah, au début, c'est un peu difficile, hein, faut dire. Hein. Mais je crois que je me suis vite adaptée quand même. À force de discuter un petit peu avec eux et tout, je crois qu'il faut être calme, beaucoup de calme, surtout pas crier après, vous voyez, ou des choses comme ça. Je crois que ça sert à rien. Au contraire, il faut les prendre avec douceur. Ils sont tous différents. Ils sont tous différents. Bon, il y a des fois, c'est pas facile. Il y en a qui vont venir parler. Des fois, je vais aller vers eux pour parler, ils veulent pas. Alors je laisse un petit peu, puis après, bon, ben, il parle. Et des fois, il m'aide à faire le ménage. Je vois Jojo, par exemple. Oui, Jojo. Jojo, il est génial. Génial. On peut lui demander tout ce qu'on veut. Puis je me plais. Des fois, avec Nadia, je vois quand elle est angoissée. J'arrive à la faire rire en lui parlant quelque chose de bénin, quoi. Hop, elle retrouve le sourire. Et en général, il n'y a pas de problème avec le voisinage ici. Ah. Oh non. Puis ils sont connus, hein, dans le coin, là. Oui, d'ailleurs, on les voit. Ah, ils sont connus. Sur la place de l'église. Jojo, il est connu. Ah oui. Faut dire que c'est vrai, Jojo, il, je sais pas, il a quelque chose qui attire, je sais pas, il, c'est comme ça. L'autre fois, j'arrivais le matin à 8h, je monte, et je redescends sans ma blouse. Il me fait bah, « t'as pas ta blouse », qu'il me dit. Vous voyez, il remarque tout, tout, tout, tout, tout. Pourtant, Jojo, il parle pas vraiment, si. Il a fait des progrès pas croyables, hein, paraît-il. Et moi, je m'en suis rendu compte depuis que je suis là, alors là... Il vous parle, ah oui. Mmh. Mmh. Et pour vous, qu'est-ce que c'est, la folie? C'est difficile à expliquer. Parce que ça peut arriver à tout le monde, malheureusement. Ils ont eu quelque chose dans leur enfance ou quelque chose après, je sais pas. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, de toute façon. Ouais. Qui les a marqués, qui les a perturbés. C'est pour ça qu'on n'est pas à l'abri. Personne. C'est pour moi. Un peu plus tard, toujours à la Colombière, la grande maison familiale derrière la place de l'église. Voilà le sentiment ici d'être dans une vraie maison. Il y a le chat sur le radiateur, il y a la cheminée, il y a l'escalier qui craque. Il y a les murs un peu, maison ronde en plus. La première fois que je suis arrivée, moi, ici, je me souviens, c'était au mois de septembre, et on prenait nos repas dans le petit jardin, là. Et ça faisait quelques jours que j'étais là, et ce premier jour, il a fait un temps extraordinaire, on était dehors, je me disais, mais un lieu comme ça, ça existe, je dois rêver. Fin d'après-midi ensoleillé. Les malades sont sortis faire un tour. Quelques-uns sont assis sur la murette, devant la maison. Le temps pour Colette Espinasse, l'infirmière chef, de souffler un peu. Ici, ils se sentent en sécurité, puisque nous, on est encore soignants ici. À l'extérieur, il n'y a plus de soignants. Dès qu'ils ont passé la grille, l'angoisse arrive là. C'est très bien expliqué par certains de nos... Surtout dans les jeunes patients, ils arrivent bien à l'exprimer, ça. Tout est difficile pour eux. La plus banale des choses, celle dont on s'occupe, préoccupe plus nous, c'est la circulation intense, par exemple. C'est les autres personnes qui semblent agir avec une facilité quasi déconcertante pour certains d'ici. Et c'est vrai que c'est beaucoup le regard des autres, quand même, qui leur pose peut-être le plus de problèmes. Ils vous en parlent, du regard des autres? Il ne l'exprime pas comme on pourrait l'attendre. Ça passe par, par exemple, un jeune patient qui nous dit souvent « je suis suivie par un homme ». En fait, ce sont des regards souvent qui les suivent. C'est pas une personne physique, c'est un regard. C'est par des petits mots comme ça, des petites phrases. Il faut décoder, hein. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à décoder du tout. Et puis il y en a d'autres qu'on arrive à sentir. Va-et-vient constant, dedans, dehors. L'idée qu'un jour, on pourra vivre ailleurs. Chaque personne qui arrive ici doit avoir un projet de sortie, pour sa sortie. Bon, ça peut être dans un an, dans deux ans, dans dix ans. Hein. Le temps n'a pas d'importance à ce niveau-là. Mais il faut que le patient qui arrive sache qu'un jour, il sortira. Il ne passera pas sa vie ici. Et à partir du moment où lui il le sait, il y a déjà une autre façon de vivre ici. Il ne s'installe pas de la même façon. Et est-ce qu'au bout du compte, quand ils sortent d'ici, c'est un pas supplémentaire vers une guérison? Est-ce que ce mot-là a un sens? Guérison? Oui. C'est un mot que nous, on n'emploie pas. C'est vrai, on n'emploie jamais. Non. On leur apprend à vivre avec leur maladie, mais à vivre dans les meilleures conditions possibles et le moins malheureux possible. En fait, on essaye de leur apprendre un peu le bonheur. Je crois. Et ça passe par quoi, cet apprentissage de ce qui pourrait être le bonheur ? Eh bien, peut-être par la perception de choses qui ont sans doute été oubliées pour la plupart. Bondy nord, Bondy sud, la route a toujours coupé, Bondy en deux. Nous vivons dans le présent, au milieu des marques du passé. Louis-Dominique Cartouche volait l'argent des riches pour le donner aux pauvres. Le roi s'est enfui par là. C'est Vidocq qui a éliminé le dernier brigand de la forêt. Et derrière la gare, il y a l'autre Bondy. Bondy l'amour. Le château. En 1905, un ministre l'a fait construire pour une femme noire qui, à la fin de sa vie, était si grosse qu'il fallait s'y mettre à plusieurs pour la faire monter dans le train. La ville s'anime. Ce qui pouvait paraître étrange, inquiétant à quelqu'un, devient insupportable. Bondy, c'est beau. Le plaisir soigne-t-il ? Jeudi, fin de matinée. On a rendez-vous à l'hôpital de jour. Impossible à trouver. On passe trois fois devant avant de réaliser que cette villa, entourée d'un jardin, au bout de la rue, en face des pompiers, c'est bien l'hôpital de jour. Ah, voilà, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. On arrive à l'heure de l'apéritif, préparé en notre honneur. La santé de la presse récrète. Ah, le tiki, ah, la bonne santé, madame. Ah, le petit bâtard, je vois sous les pommes, quand les pires sont belles, du côté de nos gens. Autour de la grande table, les patients écoutent M. Caminati, un habitant à la retraite, venu leur raconter le temps où Bondy vivait de sa forêt. Oh, moi, j'appelle même plus ça une forêt, c'est même pas un bois maintenant. Disons que c'est plutôt un jardinet, quoi, avec quelques arbustes. Comparativement à ce que c'était avant, non, mais c'est vrai. Moi, simplement, ce que je peux vous raconter, c'est la vie que l'on menait à cette époque-là sur la route nationale. Qui s'appelait déjà à cette époque-là l'avenue du général Gallieni. Il y avait donc une usine, une scierie à l'époque, qui s'appelait donc Imbert Rossignol, et c'était une des plus grandes industries de la région. Alors là, naturellement, on y amenait du bois brut, et il en sortait du contreplaqué, meubles, etc., etc. Quoi. On faisait un peu de tout là-dedans. Et c'était une usine assez importante, parce que je crois que ça variait entre 120 et 150 ouvriers. Il ne reste plus rien. Toi, et actuellement, à Conforama, vous voyez un grand trou, là où vous garez vos voitures. Bon, ben, c'était là. Et à cette époque-là, c'est bien simple. Le bâtiment qui arrive par ici, donc il y a Conforama, tout de suite après, donc il y a encore un grand centre. Il y a Peugeot, etc. Ouais. Hein, c'est Peugeot. Ça. Bon, ben, c'était des immeubles, des vieux immeubles, qui avaient donc il y avait deux étages, et ensuite il y avait donc, comme on appelle ça déjà, des petites hunettes au-dessus, là. Des chambres de bol, quoi. Ah ouais, des chambres de bol. Ouais, des chambres basses, oui. Ben, c'est là que j'habitais, moi. Hein. À ça, et puis je touchais le plafond. Et comme électricité, bon, moi je ne l'ai jamais eu avant 38. Il fallait naturellement s'éclairer au pétrole ou à la chandelle qu'on n'avait plus. Tous les ouvriers, en principe, étaient logés là-dedans. Et remarquez, vous ne payez pas énormément de... Moi, je me souviens que le tarif, c'était 50 francs par mois à l'époque. C'était une vie qui était très simple, en principe, et on était plus heureux que maintenant. On n'avait pas tout. Hein, vous n'aviez pas l'eau. Vous aviez la guerre. Hein, là, je parle avant la guerre, ça. Hein. Ah, avant la guerre. Hein, moi, je parle, je vous dis, entre 29 jusqu'en... Au moment où je suis parti, en 42. Et vous êtes de l'époque d'Hérital, alors? Comment? Vous êtes de l'époque de Cavana? Oui. D'Hérital? Oui. Vous êtes de l'époque? Oui. Ah ouais? Ensuite, et je suis même battu plusieurs fois à cause de ça, j'ai même pinché mon directeur d'école moi, avec ça. Ça vous fait rire, vous. C'était comme ça. Vous voyez qu'il y avait déjà du racisme à l'époque. Ouais. Il y en a toujours, hein. Voilà. Et votre mémoire, vous l'avez toujours eu comme ça? Oh, c'était mieux avant. La mémoire des choses oubliées. Retrouver l'histoire d'avant. Se retrouver un peu au passage. Cela fait partie du soin et des petits bonheurs. Et les retardataires, là, vous pouvez venir ? Autre petit bonheur, la commission des menus, en présence d'une infirmière et de Timothée, le cuisinier. Je serais bien taper des moules avec des fruits. Le vendredi, il y a une moule. Steak frites, pas des moules. Moi, steak frites, ouais. Steak frites. Ouais. Pour quand ? Pour vendredi. Steak frites, ouais. Pour vendredi, on est. Ouais, pour n'importe quel. Non, vendredi, on peut prendre ces poissons. Bon, je vais prendre d'abord tout ce qui est proposé. Donc, il y a steak frites. Ouais, steak frites. Moule frites. Moule frites. Je sais pas, moi, rôti de cheval, c'est chaud. José. Si on se fait une pizza. C'est pas bon, une pizza. Hein? Une paella. Une paella, t'as raison. C'est bon. Une paella ou une pizza, non. Une paella. Ouais, au fromage. Poireau vinaigré. Après, il faut l'entrée. Gina. Allez, attends. Quoi? Œuf dur mayonnaise. Ah, mais la mayonnaise, c'est quoi? Crudité. Crudité. Ah, pour changer un peu de la viande. Ouais, faut pas trop le charger parce qu'il y a plus de savoir où l'on est avant de goûter. Ensuite. Champignons à la grecque. Oui, champignons à la grecque, oui. Champignons. Oui, j'ai fait un champignon à la grecque. Les tartes au thon. Aussi, tartes au thon. Ah, mais c'est Talia. C'est bon, vous avez raison, Ali. C'est bon. J'allais manger avec Talia. Elle a l'air trop tôt, non, j'avais mangé. Ensuite, je le fais bien. Tout à l'heure, c'est bien fait. Fromage. Purée. Ah, purée. Il y a longtemps qu'on n'a pas mangé de la purée. C'est bon, le purée. Purée avec boudin. Purée boudin. Ouais, purée boudin. Ah, si. Boudin blanc, vous revenez. Non, pas boudin blanc. C'est pas du porc. Boudin noir, c'est du porc. C'est du porc. Il faut que je fasse une omelette. Eh ben oui, on va marquer une omelette pour toi. Où va du boudin noir? Tu le dis à Timothée le matin de bonheur. Il s'en rappelle, il t'achète des œufs. Pas tous à la fois, c'est pas possible. Ouais. Ah, ouais, du lapin, c'est bon. Ah, du lapin, c'est ouais, c'est pas mauvais. Lapin, comment? Chasseur à la moutarde, à la. On en parle. Chasseur. À la moutarde, comme moi. Non, c'est pas bon. Comme tu sais mieux le faire, Timothée. Oui. Au caramel. On a au citron vert. Au citron vert. Au citron. Non, citron vert, c'est bon. Ah non, ah. Tu fais lapin à la moutarde pour les jeunes. Lapin à la moutarde? Ouais, c'est pas ça. Non. Si, c'est bon. Il n'en met pas beaucoup de moutarde. Il met un peu. Ouais. Il est raisonnable, Timothée. Il nous met des piments, mais enfin, mis à part ça. Ça hein, t'es les piments. Je te dis, ils ont fait une sauce, je te dis pas, si tu goûtes un peu, tu tombes par terre avec le piment. Ils arrivent en plus à s'en taper. Je me demande comment ils font. Alors, on mange le lapin. Avec des pâtes. Non. J'ai entendu épinards là dans le. C'est pas épinards, non. Ça va pas avec le lapin. Tu vas t'insulter. Lapin avec. Du riz. Petite pomme vapeur, encore. Oui. Petite pomme vapeur. Ouais. Petite pomme vapeur. Ouais. Rissolée. Petite pomme rissolée. Vapeur. On l'a tout vu. Timothée commence à paniquer. Il est où le lapin? Avec la sauce. Ils arrêtent pas de me charger. Pomme de terre. Pomme de terre. Sauce mayonnaise. Avec une pomme de terre. Avec le lapin. Non, pas mayonnaise. C'est dégueulasse. Tu veux pas. Et tu vas me faire manger des trucs. C'est pas caché, hein, là, je te signale. Non, les petits pommes sautées ou pas? Sautées, Timothée, avec. Selon le chef. Ou vapeur. Selon l'humeur. Sauter, promettre. Selon l'humeur. Attends. Ah. On reprend son verre. On retourne. Vous avez vu un petit peu de rire, oui? Ah, mais c'est bien. Là, c'est pas la radio, Florence. Mais pas la radio. Le plaisir soigne-t-il? Soigne-t-il le plaisir? C'est-à-dire que quand on entre dans le champ du plaisir, on est soigné déjà. Organiser la réalité, c'est ça le plaisir. Avoir prise sur la réalité. Le plaisir sert à construire la réalité, jamais finie, jamais, en, hors le corps, une zone de tremblement, de scintillement, entre, je pense, ça m'arrive, j'entends des cris, je n'ai plus mal. De la femme enceinte. Comment la mère, elle, devient enceinte? Elle a mal partout, au ventre. J'ai jamais parlé dans un micro. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux me raconter une histoire? Comment la mère, elle, devient enceinte? Elle ne devient pas enceinte toute seule. Non. Ils font l'amour longtemps. Et après, son ventre, il devient gros. Elle devient mal. Elle a mal partout. Pourquoi tu as envie de me raconter cette histoire? Parce que ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé? Oui. Et tu es sortie un jour du ventre? Oui. Tu regrettes d'être sortie du ventre? Non. C'est bien passé. Ça s'est bien passé? Oui. C'est normal. C'est tout. Je laisse la place à Florence. Vas-y, Florence. Vas-y à ma place. C'est pas ça. On peut parler ça. Autre chose. La fois que je suis allée à Paris, oui. Ben j'ai trouvé ça, quelque chose qui m'a beaucoup choquée. Dans le métro, il y avait un groupe de jeunes qui étaient couchés par terre et qui mangeaient comme ça sur nous. Comme des primitifs, tu vois. Comme des êtres préhistoriques, c'était dur, je trouvais. Et puis les gens, ils leur passaient dessus, tout ça. C'est de la misère un petit peu, tu vois. Mais je trouve ça dur à l'époque où on est de. Qu'on soit comme ça sans domicile et tout ça. Je pense qu'il n'y a pas que l'hiver, que quand il fait froid, quand on fait des abris, mais c'est pour tout le temps. Même quand il fait chaud et tout ça. Je trouve ça, je trouve ça très dur. Et toi, tu te sens à l'abri ici? Quand tu es là? Je sais pas. Personne n'est à l'abri, je crois. Personne n'est à l'abri. Il n'y a pas de si, il y a un truc. T'as voulu la remuer? Ah, c'est le café. Tu veux un café, vous voulez? C'est moi, François? Oui. C'est moi, ce que j'ai dit à la femme enceinte? Non, c'est une histoire. C'est enregistré? C'est enregistré. C'est comme une grande famille ici. C'est plutôt sympa. Oui, c'est vraiment sympa. On passe pas sa vie ici. Tu sais, par rapport. Les malades mentaux, on les voit comme des gens, pas comme tout le monde. On les voit pas comme des humains en tout cas. Certaines personnes ne voient pas ça. Et pourquoi, à ton avis? Parce que c'est la folie, peut-être. C'est quoi la folie? Moi, je sais. Moi, je sais, c'est quoi la folie? C'est d'être fou, une faire n'importe quoi, de tout casser, de taper sur les gens, de faire n'importe quoi, d'emmerder les gens dans la rue. C'est vrai? C'est perdre la raison, la folie. C'est ça. Mais du café, madame? Oui. Très mais bien. Je crois que c'est parce qu'ils sont différents, en fait. Parce qu'on est différents aux autres. Mais, en mais fait, toi, tu te sens différent? Je sais pas. Par rapport à certaines personnes. Comme je me sens pas tout à fait comme tout le monde. Je sais pas si je me sens différente en fait. Je veux parler des juifs. Il y a la paix, c'est fait. J'entends à la télé le journal avec mon père. Il faut se taire à la synagogue, il faut pas rire. C'est sérieux que le rabbin, il parle, il ne faut pas faire du bruit. Philippe, ça se rongiste. On peut parler encore? Quand on va dans les mariages, il faut se raser à la maison. Il faut se laver, se doucher. il faut être propre. Pareil que la synagogue. Ça dure longtemps, le mariage. Juif. Il y a un orchestre. Il y a du bruit, on ne peut pas enregistrer. Non, je parle moi beaucoup. J'aime bien parler dans le micro. Arrête, c'est moi, je parle. Dis à Florence qu'elle vient parce que je parle. C'est tout. D'accord. Alors tu laisses Florence parler. Florence parler. Mais c'est peut-être trop. Peut-être que je prends un peu trop de place, là, non ? Tu sais, par rapport à l'indifférence, que je te dis, en fait, il manque de l'amour aussi. Il en manque beaucoup. Parfois, c'est dur d'aimer, on ne sait pas comment aimer. Tu as aimé, toi ? Et si j'ai déjà ? Oh, une fois, j'avais 21 ans, mais j'étais trop jeune. Et je sais pas. Et on t'aime, quoi ? Je sais pas. On m'a pas dit. On t'a jamais dit qu'on t'aimait ? Si, mes parents, ils m'ont dit, ma mère. Mais je sais pas. Aimer, c'est grand. Hein. C'est quelque chose de grand. C'est ridicule ce que je dis. Non, c'est pas ridicule. Et aussi le racisme, je trouve pas ça bien. C'est une maladie, hein. En fait, c'est une peur. C'est la haine, en fait. Quand on m'entend pas. Quand on parle des Arabes, c'est... Alors qu'être arabe, c'est juste un nom, quelque chose. C'est une étiquette, c'est tout. Mais ici, dans l'hôpital de jour, ici, dans la maison, ouais. Il y a plein de monde. Ouais, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des fous. Non, je rigole. Je plaisante. On y va. Vous avez fini ? Ouais. Et les oies ? Vous voulez l'enregistrer ? Tu veux enregistrer, Philippe, les oies ? J'ai fermé, je dis pour tard. Ouais. Je ne savais pas. Je compte en écrire. Au jardin, à droite. À bas mieux, Philippe. À droite, Philippe. Ah, c'est là, les oies. Philippe, il n'y a pas de vent. Alors, ma biquette ? Alors, ma biquette ? On n'est pas à la campagne, non. On est à Bondy, banlieue est de Paris. Alors on va à l'annexe, là. Oui, l'annexe. Direction Bondy Nord. On arrive sur la place de l'église. Les pompes funèbres de la liberté sont murées. Au-dessus, dans l'encadrement d'une fenêtre béante, un pigeon s'est posé. Cette partie-là de la ville va être détruite. La ville se fait, se défait, se reconstruit sur elle-même dans le tohu-bohu des camions et des bulldozers. C'est des anciens quartiers qui ont été rasés. On a rejoint Jean-Claude et Yves, accompagnés de Daniel, l'infirmier. On marche dans la ville défoncée. Alors là, c'est une balade. C'est vrai que dans votre métier, on parle souvent d'accompagnement. Et là, on est en train d'accompagner. Tout à fait. On marche dans la rue. Oui, oui. Et on va vers l'annexe. Dans l'annexe. Donc, nous, on y va, l'équipe infirmière, minimum 2 fois par semaine. Donc le mercredi, où il y a une réunion avec les résidents, les 2 soignants, on peut parler de divers problèmes, l'entretien, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il va pas, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Et une autre journée, en général, on essaye que ce soit dimanche matin, pour vraiment les problèmes de ménage. Là. C'est-à-dire qu'on encadre un peu les résidents, pour tout ce qui est le ménage de leur chambre, des parties communes. Et le mercredi, quand on y va pour la réunion, à charge pour eux de s'en occuper, que l'appartement soit propre quand on arrive. Donc à l'annexe, il y a une certaine autonomie. Autonomie, tout à fait. Il n'y a pas de femmes de ménage qui vont là-bas faire leur ménage. Ils sont dans leur maison. Voilà. Ils doivent essayer de vivre un peu comme tout le monde, quoi. Savoir préparer leur repas. Ils regardent la télé, ils mangent. Et puis faire leur ménage aussi, préparer leur petit déjeuner. À quoi pensent-ils, Jean-Claude et Yves, quand ils traversent la ville, jusqu'à leur appartement de Bondy Nord ? À la Révolution, me dit Yves. Et il rit, avant d'ajouter, aux filles aussi, et aux gâteaux. La Nationale 3, le grand axe routier traverse une ville. On a dépassé le canal de l'Ourcq, on est arrivé de l'autre côté du pont, on aperçoit déjà derrière les arbres la cité Jean Moulin. Ici, c'est pas vraiment chez nous, dit Jean-Claude. Ma mère, elle habite là derrière. On va vous ouvrir la porte intelligemment parce que c'est les boutons. Ma mère n'est pas plus capable que moi, non. Et on va monter ? Allez, allons-y. Allez. Je passe dehors. Ouais. Oh, c'est pas extraordinaire. C'était l'appartement d'un directeur, cette fois. Vous n'avez pas soif ? Soif ? Soif ? Une barre de l'eau, vous n'avez pas soif ? On peut boire un petit coup d'eau ? Il y a des verres. Il n'y a même pas de menthe, hein. Il n'y a pas grand chose là-dedans. Non, mais un verre d'eau, ça fait du bien. Vous prenez la carte. L'histoire de l'humanité est pleine de gens qu'on exclut, de catégories qu'on exclut. Alors des fois on les détruit complètement, d'autres fois on les met dans des situations telles qu'ils sont en fait en dehors de la société. Et c'est vrai que sur ce domaine spécifique du malade mental, ce sont des gens qui naturellement étaient sortis de la société. Depuis son élection en 1977, Claude Fusier, le maire de Bondy, soutient l'action de l'équipe de psychiatrie dans la ville. Dans une société, quelle qu'elle soit, la pire des choses, c'est l'exclusion. Donc il faut trouver, sur chaque situation, des réponses à cette question des studios. Et moi, lorsque je vais être désagréable à l'égard d'un certain nombre de mes concitoyens, ici, je leur dis, n'oubliez pas, vous êtes tous des immigrés. Il faut voir les têtes de certains. Et en fait, c'est vrai. Bondy avait 19 000 habitants en 1949-1950. 10 ans après, on avait dépassé les 50 000. Ce qui veut dire que la population de Bondy est composée de gens venus d'ailleurs. Alors, le monde étant ce qu'il est, les gens d'ailleurs, ça a été des Parisiens, des provinciaux, et puis le reste du monde, hein, et notamment de ce qui était l'Empire colonial français. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pas de problème. Le problème, c'est que nous avons à brasser dans un même territoire, relativement concentré, parce que c'est ça le problème de la situation urbaine, hein, on n'est pas en Lozère, on a besoin de concentrer des gens qui ont une tradition, qui ont des accoutumances, des habitudes les plus diverses, et que ces gens, il faut les faire vivre ensemble avec le minimum de casse au départ, hein, et peu à peu le maximum de compréhension. L'exclusion, c'est ça. Qu'il s'agisse de... On est toujours l'exclu de quelqu'un, à mon avis, dans cette affaire-là. Donc, toujours la réponse, comment faire que les gens s'acceptent. Et c'est vrai pour le malade mental. C'est ça. C'est la même situation. Par conséquent, lorsque j'ai vu dans les années 60 apparaître les thèmes de la psychiatrie nouvelle, enfin de forme nouvelle, j'ai été intéressé. Et lorsque je suis devenu, par les circonstances de la vie, responsable d'une commune, je me suis dit, puisque j'ai rencontré à ce moment-là avec le docteur Bayon et un interlocuteur passionné et passionnant, je me suis dit, voilà un des points sur lesquels on peut effectivement apporter une réponse concrète à l'exclusion. Alors c'est comme ça que ça a commencé, que ça continue. Je crois que dans le fonctionnement quotidien, il faut donner aux équipes médicales chargées de cette action les moyens matériels, les bases matérielles de leur action. Ce qui veut dire que la ville a constamment aidé à la mise à disposition d'équipements. Au départ, c'est sur un équipement communal, l'ancien presbytère de Bondy, qui a été donné, le franc symbolique est significatif, qui a été donné à l'équipe psychiatrique. Des appartements thérapeutiques en HLM lui sont fournis. Et lorsque la sectorisation a disposé de moyens complémentaires, ben nous avons aidé à l'acquisition de nouveaux locaux. De même, nous avons des équipements communaux. Par exemple, des malades sont partis avec les équipes dans notre centre de vacances, passer des vacances à l'extérieur. Bon, c'est bon pour eux, certainement. C'est bon pour eux parce que ça, à chaque fois, ça les remet dans des conditions de vie normales, naturelles. Alors, ce travail collectif a conduit à ce que nous n'avons presque plus de problèmes dans la ville, de relations entre les gens, entre guillemets, normaux, et ceux qui ne le seraient pas. Et que, alors que nous avions de nombreuses plaintes, il y a 15 ans, c'était fréquent, et tous les maires ont ça, les plaintes, il y a le voisin, il y a ceci, il y a cela, pratiquement aujourd'hui, les choses se règlent sans drame. Nous n'avons plus de plaintes dans le sens d'une réclamation. Nous avons des fois des informations, mais elles ne sont plus agressives. Elles sont plus agressives. Ici, on n'entend personne. Ah, voilà. C'est calme. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais eu de problème. Non, on n'entend rien. Absolument. Le voisinage, ni de plainte, ni quoi que ce soit. Non, on n'entend rien. Oh, je vais dire, je rentre. Vous vous sentez bien ici ? Ouais. Bon, on se sent mieux ici qu'ailleurs, des fois. Et alors, une journée, elle se passe comment, une journée ? Ben, ça dépend des jours. Et des jours, c'est pire qu'un an. Mais... Ça finit pas ? Ça dépend des jours. Hein. Le travail, c'est la santé. T'as dû arrêter trop tôt, non? Ouais, j'ai dû arrêter trop tôt. À 32 ans. Je n'ai pas honte, t'étais soudeur. En 10 ans, soudeur. Je n'ai pas que ça. Là. Et après, dans, le... dans les installations de téléphone, après dans le téléphone. T'as travaillé à la Tour Montparnasse pour les installations. À VJ2, à Rungis, et puis à... dans les bâtiments. T'avais ta voiture à l'époque pour aller au boulot? Oh, je conduisais à deux chevaux de la baraque. J'étais dans le plastique, je conduisais à deux chevaux de la baraque. Les belles vues, hein, elles sont beaux, les palmiers en empêche. Hein. Les vrais palmiers. Hein. C'est sous le plan, là. Ouais, les vrais palmiers. Comment vous appelez ça? Les palmiers en bataille. On allait voir Fatia. Ah oui, Fatia, elle est gentille, Fatia. C'est une petite jeune, elle est gentille. Elle travaille. Elle travaille, ouais, elle travaille. Fatia. Non, on est rentré, il était 5h30. Et puis il travaille au CAT de Noisy-le-Sec. Elle est en premier de travailler dans les tartes aux bonbons. Et puis là, ça va bientôt faire un an que je suis au CAT. Et puis, parce que bon, à un moment donné, je ne supportais plus les bonbons. Alors on m'a tendu d'atelier en bas. On fait des petits objets en plastique et puis il faut mettre une étiquette dessus. Et puis ça se passe très bien, j'ai des collègues de travail de mon âge. Et puis on s'entend bien et tout. Vous avez quel âge, Mathieu? 26 ans. Et puis je prends les transports en commun tout seul. Je prends le 105 jusqu'à l'avenue Jean d'Arc à Noisy-le-Sec. Et après, je prends d'autres bus que c'est marqué à le 1, le 4 et le 5 pour me déposer à côté du CAT. Alors, ça se passe bien. Mais j'ai très peur dans les transports de train. Je ne prends jamais le train parce que j'ai trop peur. Le train? Oui, le train et le métro. Et vous avez d'autres peurs quand vous vous promenez dans la ville, parfois? Non, j'ai pas peur parce que je connais pas des gens. Je connais que mes collègues de travail du CAT, c'est tout. Et je parle à personne d'autre, alors j'ai pas à avoir peur. Je fréquente personne. J'avais un petit copain de 29 ans, mais il est trop malade. Alors, la directrice du CAT, elle m'a dit que tant qu'il ne veut pas se faire soigner, qu'il ne veut pas aller à l'hôpital à Bénévoir, elle ne veut pas au CAT. Et puis, mon infirmière référente, elle a dit que ce n'était pas un garçon à fréquenter parce qu'il est trop malade et puis il est violent en plus. Vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qui vous manque le plus? Non, il ne me manque rien du tout, mais je voulais avoir un petit copain comme mes copines du travail, parce que toutes mes copines, ils ont des copains de leur âge. Ça m'a fait de la peine, mais maintenant, je l'ai oublié. Et quand vous pensez à votre avenir, qu'est-ce que vous voyez? Mon avenir, j'ai eu un entretien avec M. Le Galvoud pour les appartements associatifs. Et puis, quand il y en aura un libre à Bondy, et ben, c'est ça mon avenir, habiter dans un appartement studio. Surtout pas perdre mon travail, parce que ça faisait longtemps que j'étais à la Colombière sans travailler tout. Et puis, j'avais beaucoup de mauvaises idées dans la tête. C'est quoi les mauvaises idées? Puis, je repense à mon papa, qu'il est mort quand je l'ai vu dans son lit. Il a été beaucoup gravement malade, il était paralysé du corps. Ça m'a fait un traumatisme, j'ai été traumatisée. Il faut mieux travailler. Oui, il faut mieux travailler. Et puis, je n'y pense pas tellement. Il ne faut pas que je n'y pense trop parce que après je me rends malade et puis je pleure beaucoup. Alors, j'ai un traitement pour ça. Et puis, je m'entends bien avec mes collègues de travail. Même à la Colombia, je suis bien à la Colombia. Mais ça ne m'intéresse pas tellement parce que à la Colombia, il y a des règlements qu'il faut respecter. Quoi, par exemple? Il faut rentrer à 6h30, il faut être à la Colombière et puis respecter les horaires et tout. Vous avez envie de plus de liberté? J'aimerais bien sortir avec mes copines et puis leurs copains, sortir des fois aller au cinéma ou aller au McDonald's. Mais ça m'arrive des fois les samedis après-midi quand je vais passer ma famille, je vais au parc avec mes collègues de travail. La famille, c'est important. Oui, non, pas ma mère. Ma mère, je la considère plus comme ma mère parce qu'elle veut plus de moi. Et je considère mes sœurs et mes frères que c'est important. Parce qu'ils prennent bien soin de moi, mes sœurs et mes belles-sœurs. Mais pas ma mère. Ma mère, elle m'a jamais senti. Même quand mon père, il était vivant, ma mère, elle me battait. Elle est trop méchante comme femme, ma mère. Elle me battait quand mon père il était vivant, alors mon père il a tapé. Alors depuis qu'il est décédé, eh ben, ils m'ont mis à la Colombière parce que j'ai été traumatisée quand il était mort. J'ai eu du mal beaucoup à me remettre. Surtout, je n'aime pas quand on me fait du mal, quand on me tape. J'ai trop peur quand on me tape. Ma mère, elle me battait beaucoup. Mais au café, il y a des moniteurs, ils sont très gentils avec nous. Ils prennent bien soin de nous et tout. Et puis, ils nous parlent tout doucement. Ils nous font pas de mal. Et maintenant, je suis plus chez Nicole en haut. Je suis chez monsieur Arsène en bas. Parce qu'en haut, j'étais un peu étouffée aussi parce que les fenêtres, ils n'étaient pas souvent ouverts. Et puis, il y a l'étouffement chaleur. Et en bas, on voit le jour et puis il y a la grande porte ouverte, il y a de l'air qui rentre. Et c'est agréable quand il y a la grande fenêtre qui est ouverte. On peut travailler quand il fait beau en bas, il n'y a pas de soleil. Et en haut, il y a trop de soleil qui tape. Et puis, la monitrice, elle n'aime pas tellement ouvrir les fenêtres aussi. Il y a chacun son caractère, il y en a qui n'aiment pas ouvrir les fenêtres. Vous aimez les fenêtres quand elles sont ouvertes? Oui, moi j'aime bien ouvrir les fenêtres. Le matin quand je me lève, ma fenêtre, il faut qu'elle soit ouverte et puis je respire l'air du matin. Cette nuit, la tempête s'est levée. Les battants du ciel se sont ouverts. Sur une même surface, quelque chose a disparu depuis longtemps ou vient de surgir. Je devrais finir à la lettre, au visage. Son mythe s'appuie sur les quelques vrais objets qui restent. La chaise, la table et le coude, l'épaule, la nuque. Ah, dormir dehors, près d'un feu. Thérapeute s'adosse au mur du quai. Le canal est un bloc. Tout est cerné de plomb. Elle se sent fatiguée. Elle ne croit pas qu'elle aura encore longtemps la force de faire le lien entre le national, l'État, le national et le régional, le corps et le bord de l'eau. L'État brasse de la charité, une écume douteuse lâchée en pâture ou larguée. Ah, si l'État pouvait se souvenir d'où il vient. Une étrange créature l'habite. On peut mourir avant d'avoir obtenu une réponse de ce côté-là. Il garantit le service minimum obligatoire, ça oui. Dans les moments de déroute, il y a une infirmière de garde. Et après ? L'infirmière est là, le patient est là. Il s'ennuie, il s'esquinte à essayer de se rappeler qui ils sont. La ville s'est refermée sur ses habitants. La ville s'est refermée sur les ses habitants. Les places parlent d'elles-mêmes. Les places parlent d'elles-mêmes. Les gens ont appris à tenir avec peu. Toutes sortes de produits avec des consistances minces et des effets maximum. Alors ces produits, c'est quoi ? C'est les neuroleptiques ? Ah, moi, je pensais à la drogue. Mais ça peut être les neuroleptiques, oui, tout... La chimie. C'est vrai qu'on parle peu aussi de ça. Le soin, aujourd'hui, le soin psychiatrique. Soigner. Soigner, au départ, s'écrit penser. P-A-N-S-E-R. Mais penser vient d'un autre mot qui est penser. P-E-N-S-E-R. Et oui, quand on soigne des personnes qui sont d'autres personnes, mais aussi un peu soi-même, parce que quand on soigne les autres, on se soigne aussi un peu soi-même, on pense beaucoup, on doit penser beaucoup. Parce que soigner, c'est une pratique qui traverse tous les champs, hein, le champ de la recherche chimique, physiologique, le champ des exigences politiques, le champ des marchés économiques, le monde du chômage, etc. Tout est là. Hein. Soigner, c'est un projet d'État. C'est-à-dire que toutes ces institutions qui se sont construites autour de la question du soin brassent aussi tous les conflits entre le privé et le public, etc. Soigner, c'est un vrai champ de bataille. Vous le savez, l'utopie, les utopistes, le moment le plus dangereux, c'est la cité qu'ils ont rêvée. Et ou alors là, c'est, qu'on le veuille ou non, c'est, même et chez tôt. Les moines, c'est le totalitarisme. Hein, c'est tout de suite, on bascule. Ce qui est important, c'est de rester dans l'idée de l'utopie sans avoir comme prétention de changer la société ou de créer une nouvelle société. C'est plutôt dans ce mouvement d'une autre forme de rencontre avec les hommes sans avoir du tout la prétention d'établir quelle est la cellule de tout un chacun du moine ou du fou ou de l'homme. Pas avoir cette prétention-là, mais au contraire de garder cet esprit de l'utopie, des messages, des idées, ce mouvement de rencontre avec l'autre, sans du tout vouloir la réaliser. Alors il y a quelque chose de très difficile là, parce qu'on veut être dans la vie, dans le concret. Il faut garder l'idée du rêve, mais il ne faut pas que les deux choses se rejoignent. Alors on est là tout le temps dans la contradiction. L'idée d'utopie, c'est une idée qui nous entraîne, mais en même temps, il faut qu'on soit très concret dans la vie de tout un chacun. Et alors c'est ce désordre mental là qu'on essaie, ou ce désordre de la construction qu'on essaie au contraire de vivre. Là, la question que je pose, c'est de dire, il faut qu'on imagine quelque chose, une démarche qui soit, écoutez, je ne sais pas si vous vous rendez compte que quand vous soignez un patient, vous le soignez dans une structure qui est à vous, vous êtes à l'aise. Vous n'êtes pas angoissé, vous savez, mais le patient, il a plusieurs angoisses, dont une, c'est qu'il ne connaît pas du tout la façon dont le téléphone marche, la porte qui s'ouvre, qu'est-ce qui va surgir. Il a des espaces à lui, vous ne les avez pas du tout investis. Moi, ce que je vous demande maintenant, c'est de vous dire, nous allons travailler dans l'espace du patient. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui déborde son domicile, bien sûr, mais qui est la ville, qui est un circuit, un réseau, des allées et venues. C'est ça l'espace du patient. Si on les rencontre dans leur espace, il est assez vraisemblable qu'il y a d'autres choses qui vont se dérouler. C'est-à-dire, on va avoir à connaissance de la folie du groupe et pas de la folie du sujet tout seul. Tout l'effort qu'on doit faire, nous soignants, c'est de nous dire que nous avons donc à découvrir ces espaces-là. On est au bistrot de la place. Alors, ce bistrot, vous dites que c'est votre annexe. Bah, les gens qui sont à l'hôtel de jour et à la Colombière, ils viennent tout le temps au café du centre. Oui. On est bien servi, ils nous respectent, on les respecte. Pas comme certains qui étaient ceux d'avant, ils nous faisaient boire et boire et boire jusqu'à temps qu'on dépense de l'argent. Donc depuis que les remplaçants sont là, ça se passe bien, ils sont sympathiques, on peut faire des crédits. Ils nous font confiance, ils sont très sympathiques, très corrects, Et on vient ici pour avoir de la convivialité, quoi. Est-ce une maladie, la solitude? Banlieue, travail, famille, on est là, posé. On n'a même plus de mots pour se voir. Un patient a besoin de parler. Moi, je vois, j'ai une psychothérapie qui est terrible. Je suis à ma 10e année de psychothérapie. Il m'a dit qu'il en fallait 7, mais je continue quand même parce que je tiens à pousser beaucoup plus ma personnalité, à approfondir beaucoup plus ma personnalité, qui je suis, ce que je fais et ce que je peux faire. Très difficile une psychothérapie. Très très difficile, pas tout le monde supporte. Parce que je veux dire, j'étais danseur, on me prenait pour un homosexuel et puis je portais la moustache pour pas qu'on me laisse. Pour que j'attire les garçons, je portais une moustache juste pour une distance. Mais j'ai mon examen de secrétaire comptable et d'attaché commercial aussi. Mais j'arrive pas à m'intégrer dans la société parce que j'ai un côté créatif qui fait que je suis beaucoup plus lié à l'artistique. Quand on crée, c'est du renouveau tout le temps. Moi, mon problème, c'est que j'avais fait des études de sciences économiques et j'étais révolté par rapport au système capitaliste, à l'intérieur de la famine, les multinationales et tout le climat horrible qui régnait dans les pays européens et un peu partout dans le monde. Donc j'ai fait une tentative de suicide et longtemps après, il y a un infirmier qui est venu chez moi qui m'a demandé si je ne voulais pas faire une psychothérapie. Donc cette psychothérapie, ça a été un échange qui a démarré en 82 et au bout de 4 ans, j'avais retrouvé la foi. C'est un long voyage, un très très long, qui était une longue réflexion. Parce que le psychothérapeute, c'est quelqu'un qui ne laisse pas mourir quelqu'un. Parce que si on est seul, si on vit seul, au bout d'un certain temps, si on est sans emploi ou en licenciement économique, comme je l'ai été, on se laisse mourir. On était dans une société qui garantissait quand même certaines valeurs. Et maintenant, les gens sont très très vite exclus. Baute, très pressé, passe comme ça, les mains dans les poches. Je peux te parler? Je vais très mal. Très mal. On m'a renaturé, raturé. Pourquoi je suis en psychiatrie? Moi, je prends l'exemple de la cité de Bondy, où j'habite, hein, où il y a beaucoup de toxicomanie, où il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très bien dans leur peau. En fait, on leur dit quoi aux jeunes? On leur dit, on vous donne, il y a une société, il faut travailler 11 mois dans l'année, et en plus, elle est en crise. Alors, les gens sont fragiles, surtout les jeunes, qui sont très fragiles. Ils se disent, mais on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Et ils sombrent. Et c'est comme ça qu'ils perdent tout sens à leur vie. Et c'est comme ça qu'ils se disent, on est rejeté, puis on ne pourra jamais rien faire. Donc en fait, l'élimination va très vite et l'exclusion arrive très très vite aussi. Et pour remonter des gens comme ça, il n'y a pas assez de structure sociale. Il n'y a pas assez de structure d'écoute. Il n'y a pas assez de... Je dirais même... de solidarité. Le quatrième mur de la maison s'écroule toujours. Plus on avance, plus les patients sont lucides, plus ils peuvent l'exprimer, plus c'est dur. Leur vie dans la ville est difficile, terrifiante. Mais est-ce que la psychiatrie aujourd'hui peut encaisser tous les problèmes du dehors? Le chômage, le logement, l'exclusion, tout le mal-vivre qui vient du oui. Social. En effet, depuis 5-6 ans, ce qu'on voudrait nous faire porter, mis à part la souffrance des gens, c'est leur pauvreté, c'est leur mise au chômage, c'est tout ce que les entreprises n'ont pas envie de gérer, tout ce que les gens qui ont du pognon n'ont pas envie de prendre en considération, tout ce que les médias méprisent, etc. On voudrait nous faire croire que le social est une certaine partie de la population qui va mal, hein. Si tu travailles avec les pauvres, tu travailles dans le social. Non, le social, c'est le lien social, c'est ce qui lie les pauvres aux riches, aussi bien que ce qui lie les riches aux riches, les pauvres aux pauvres, etc., les femmes aux hommes, etc. À l'intérieur du lien social, il y a toute la question de ce que c'est que l'altérité. Et l'altérité, en tant qu'elle est... qu'il y a un creux dans l'altérité. Le lien social, il se construit autour d'un impossible à être comme l'autre. Par exemple, interrogeons le lien social entre les vieux et les jeunes aujourd'hui. Avec au creux du lien social, c'est impossible à ce qu'un jeune soit un vieux et un vieux un jeune. Pareil pour les gens qui sont dits malades et les gens qui sont dits normaux, etc. etc. entre les... Bah, Sophocle en parlait déjà. Hein, alors. Donc le social, c'est quelque chose qui a plus à voir avec la tragédie grecque qu'avec un bureau d'assistante sociale, et on ferait bien de commencer à se le dire. Et c'est là que je suis, moi, très en colère et très fatiguée. C'est-à-dire que cette nouvelle définition du social qui voudrait que les gens riches ne soient pas dans le social, n'est-ce pas, va peut-être me décider à démissionner de la psychiatrie. Il est quelque chose entre les gens qui n'existent pas, comme je voudrais que toute chose existe. Palpable. L'autre dont je rêve. Un milieu de vérité totale, jardin des délices, n'existe pas. Les patients ont peu de liens sociaux. Une loi existe qui oblige les entreprises à ouvrir des postes de travail à des gens un peu fragiles. Bon, les entreprises ne le font pas. Donc... au-delà de ce que nous devons faire en tant que thérapeute, c'est-à-dire tenter de soigner les gens, il nous faut, nous, assurer, réaliser une sorte de société avec les malades. Et c'est dans ces moments-là que j'ai un peu peur. Parce que je me dis, à quoi bon créer des sociétés, des mini-sociétés comme ça dans la ville, bon. Avec les patients, vivantes, créatives, joyeuses, si dans la société au sens général, on n'a rien à proposer aux patients. Là, j'ai très peur, j'ai envie de partir, j'ai envie de me tirer, oui, à toutes jambes. Parce qu'au fond, si les choses doivent se réduire dans ce sens-là, même si nous sommes des gardiens intelligents et très très formés, nous ne sommes que des gardiens. C'est-à-dire recréer dans la ville les enfermements. Oui, je pense. Oui. Les ghettos liés à ce mal-vivre. Hein, ce des, des ghettos très joyeux, hein, où on peint, on crée, on parle, on rit, on pleure. Oui, beaucoup plus joyeux. Mais... J'entends tout. Trop du dedans. Le monde entier est dedans, moi. Je ne fais plus la différence entre les voix du dedans et les voix du dehors. Ce qui est très frappant, dont il faudra tenir compte un jour dans ce métier, c'est les immenses moments de fatigue que supportent les thérapeutes. Ce métier serait formidable si le monde du travail changeait, si on pouvait l'exercer avec des longs temps de liberté pour se reconstituer, se refaire. Parce que tout ça porte et existe parce qu'on est des gens vivants. Mais nous, comment est-ce qu'on se reconstruit? C'est ça la question. C'est ça la vraie question. Et je pense qu'il faudrait nous autoriser à travailler 2 ans et à nous arrêter 6 mois. C'est à peu près le rythme qui serait nécessaire. Peut-être est-ce valable pour tous les métiers, mais j'ose le dire pour celui-là parce que je le pense profondément. Qu'est-ce que vous redoutez le plus? La fatigue. La fatigue, la perte de confiance entre les gens qui travaillent en même temps, ensemble, l'irruption de l'angoisse chez tel ou tel, chez le soignant comme chez le patient, et qui fait qu'à un moment donné... hop, des choses en cascade vont brusquement faire rompre un patient en travail. Oh, je peux dire que comme tout un chacun, ce que je peux redouter de plus, c'est la souffrance. Hein, et qu'elle peut toucher aussi bien le soignant qu'un patient. Et que, justement, à la fois je redoute, et puis c'est notre travail. On ne peut pas être bardé de fer en carapace. Il faut qu'à tout moment, on se sente ému, presque mis en miettes. et que là, ce mouvement se fasse de reconstitution. C'est important que le patient, à un moment donné, nous sente fragile, nous sente vulnérable, nous sente pas tout puissant. Parce que tout ce qui se passe tout le temps avec le patient, par rapport au reste de la médecine, c'est quand même un défi terrible. C'est que tout de suite, il ne peut lui faire un travail que si c'est, s'il comprend que nous, nous savons et nous sommes sûrs que lui seul peut faire la démarche la plus importante. Et que donc, au fond, peut-être ce que je pourrais redouter le plus, c'est qu'à un moment donné, j'oublie ça, aucun de mes collaborateurs oublie ça, et fasse croire qu'il sait tout, et que le patient, il est là, et on va tout faire pour lui. C'est peut-être ça le plus redoutable. Une passerelle traverse à mi-hauteur. Des affiches battent au vent. Des fils pendent. Un escalier descend dans le fleuve. J'ai l'air de m'affairer. Je déambule. Une étagère s'écroule sous des quantités hétéroclites, des monceaux. Je file au jour le jour, filoutant le bon sens qui n'a rien de commun. Quand quelqu'un dit quelque chose qui me touche, il le dit du dedans de moi. Il y a des gens que ça rend fou, ça. Ils se mettent à crier. On me vole, on me vole. Il faudra leur rendre leurs paroles. Changement de politique de santé mentale. Premier décret, tous les textes sur la psychiatrie sont annulés. Sauf un qui dirait, il existe simplement des soignants qui font de la psychiatrie pour une population. Et c'est tout. Et puis à eux de se charger, les directeurs ayant comme uniquement comme tâche d'être au service de cette équipe et de donner des mètres carrés dans les secteurs et de donner les hommes en quantité suffisante. Et puis tous les autres textes, on les annule. Pourquoi ? Parce que ce qui est nécessaire, le plus important, c'est l'innovation. Il faut donc que les acteurs se sentent là. Deuxième décret, ce serait de compléter l'équipe soignante par deux intervenants à temps partiel. Parce que sans ça, ça coûterait trop cher. Un sociologue et un philosophe. Il faudrait que dans chaque équipe de secteur, il y ait un temps de sociologue et un temps de philosophe, parce que ça fait partie des messages essentiels. Le danger que courent les psys, et les psychanalystes le savent depuis très longtemps, c'est de croire qu'ils peuvent seuls répondre à la folie. Si un psychanalyste ne travaille pas avec d'autres psychanalystes, il devient fou. Si un psychiatre ou si un infirmier travaille seul dans son coin, il devient fou. C'est tout simple. Pas de la folie des autres, de sa folie à lui. Il devient peu à peu tout puissant. Il croit qu'il a découvert des choses. C'est la pire des choses. ACR, Atelier de création radiophonique. Extramuros, Chronique de la folie à Bondy. Par Françoise Celleron. Avec Guy Bayon, psychiatre, médecin-chef du secteur 14. Annie Vasselet, psychanalyste, psychologue. Chantal Balif, psychologue. Colette Espinasse, infirmière-chef. Laurence Bourcard et Chantal Saen, infirmières. Claude Chantreau et Daniel Pézigot, infirmiers. Hélène, la fée du logis. Claude Fusier, maire de Bondy. Monsieur Caminetti et les habitants de Bondy. Je ne sais pas pourquoi on peut leur parler parce qu'ils prennent la tête. Ils parlent beaucoup. Il y en a quelques-uns, comme quand ils sont archi. Non, mais je veux vous dire, il y en a ils sont cassés, tellement ils sont cassés, tu leur expliques qu'ils sont trop cassés. Bah, il y en a certains, ils sont vachement intelligents. C'est normal. Et des fois, ça nous arrivait, on les rencontrait dans un café. Moi, deux fois, je disputais un. On rencontre un mec qui a sauté le quatrième, je dis, échecs avec eux. Oui, oui, la même chose. Ah oui. Et ça veut dire normal, ça veut dire s'intégrer dans une société. Avec Catherine, Joël, Agnès, Nadia, Marie-France, Jean-Claude, Yves, Fatia, Florence, Michael, Ali, Charles, Gina, Jeff et Georges. Être sain, c'est pas possible à la limite, je dirais. Parce qu'il y a la famine, il y a le tiers-monde, il y a les multinationales, il y a le chômage, il y a le suicide, il y a le sida, il y a la toxicomanie. Alors pour être sain dans tout ça, c'est malheureusement un pari d'individu. Texte Annie Vasselet, Le sentiment de la psychogéographe. Lu par Annie Vasselet et Bernadette Lesachet. Équipe de réalisation Yvette Tuchban, Philippe Bredin, Isabelle Limousin. Prise de son studio, Marie-Dominique Bougot, Monique Burguière. Extramuros, chronique de la folie à Bondy. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 12 mars 1995.